Cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Intahayna dans notre dernier cours, walillahi alhamd, mina al-bab al-awwal sur awsaf al-uqala, les caractéristiques de l'uqala, wa stafadna walillahi alhamd kathiran. Et aujourd'hui on commence le deuxième chapitre. Qala al-imam ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, dhikru islahi al-sara'ir biluzumi taqwallahi ta'ala. Dans ce chapitre, rahimahullahu ta'ala, il a cité ma yata'allaq bi islah al-sara'ir. Al-sara'ir, ça vient du mot sir, ay ce qu'il y a dans le cœur. Et biluzumi taqwallah, ay comment purifier ce cœur, comment préserver ton intention en craignant Allah subhanahu wa ta'ala. Awwalan, il a cité هذا الباب أولا, avant de citer les bons comportements, il a commencé par ce chapitre. لماذا؟ لأن مكارم الأخلاق لا تنفع الإنسان إلا بإصلاح قلبه وبملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى. Les bons comportements, ils ne sont d'aucune utilité sauf s'ils sont basés sur التوحيد ou l'ikhlas, la sincérité. Ce bon comportement, il devient profitable pour al-mu'min si le but, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Si le but, c'est التدين ou ملازمة هذه الأخلاق نعم تدينا لله عز وجل. Ces bons comportements, on les met en application. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre din. On met en application ces bons comportements. Pourquoi? Parce que c'est une adoration. Lillahi jalla wa ala. Donc, l'imam Ibn Hibban, rahimahullah, il a commencé awwalan avec hadha al-bab. Limadha li'anna, pour que nos œuvres elles soient acceptées, il faut absolument qu'on a la foi dans notre cœur. Il faut absolument qu'on unifie Allah azza wa jal hima yakhtassu bihi min al-rububiyya wal-uluhiyya wal-asma'i wal-sifat. Fahada donc, awwalan. Thaniyan, il a cité, rahmatullah alayhi, huna, anna islaha al-sara'ir, ay pour donc purifier notre cœur, la bud min luzum taqwallah. Et pour ceux qui ont assisté avec nous précédemment à... C'était d'ailleurs le Ramadan de l'année dernière, l'explication de At-Tabukiya de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah. On avait cité بعض كلام أهل العلم concernant التقوى. Et من أنفس التعاريف, parmi les meilleures définitions concernant la taqwa et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, قول طلق Ibn Habib rahmatullah alayhi. L'imam Al-Dhahabi, dans son célèbre livre Siyar A'lam al-Nubala, lorsqu'il a cité la biographie de Talq ibn Habib, rahimahullah, il a cité sa célèbre parole concernant At-Taqwa. Faqala, rahimahullah, qala Talq ibn Habib, quand ils lui ont demandé siflana At-Taqwa, cite-nous une définition de la taqwa, de la crainte, fa il a répondu, rahmatullah alayhi, al-amalu bi ta'atillah, ala nourin min Allah, raja'a thawabillah, wa tarku ma'asillah, ala nourin min Allah, مخافة عذاب الله. هذا من أحسن التعريف. لماذا؟ لأنه إلي شامل لمعاني التقوى. فقال رحمه الله العمل بطاعة الله. التقوى خضر الله سبحانه وتعالى العمل بطاعة الله. Ça, ça nous montre أن التقوى c'est dans le cœur et cette crainte elle doit pousser le mu'min à œuvrer, à mettre en application. العمل بطاعة الله. أي أبيغ الله عز وجل. كذلك سنمونتخ أن التقوى سيبا إن أوريجين. التقوى سيبا إن سب. سيبا إريديتير. التقوى سيبا إن كولور دو بو. التقوى سي العمل بطاعة الله. سي أبيغ الله عز وجل. على نور من الله. Et cette adoration, cette obéissance, C'est pas en suivant les passions. Là, c'est en se basant sur la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran al-Karim et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qala raja'a thawabillah. فهذا المؤمن il obéit Allah subhanahu wa ta'ala avec science et كذلك il espère la récompense. وَتَرْكُ مَعَاصِ اللَّهِ كَذَلِكَ التَّقْوَى c'est le fait de délaisser les péchés. عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ tout ça avec ilm. مَخَافَةَ عَذَابِ اللَّهِ لِمَاذَا لِيَنَّ الْمُؤْمِنِ il délaisse ce péché pour Allah subhanahu wa ta'ala. لِمَاذَا لِأَنَّهُ il a peur du châtiment d'Allah عَزَّ وَجَلَّ. الإمام الذهبي رحمه الله قال après avoir cité ce تعريف قلت أي الذهبي أبدع وأوجز أبدع وأوجز أي c'est une définition très très profitable, très très importante et avec cela elle est très très résumée. قال فلا تقوى إلا بعمل ولا عمل إلا بالتروي من العلم والاتباع. Il n'y a pas de taqwa. L'insan ne peut pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala si il n'œuvre pas. Et c'est une réfutation contre ceux qui disent la foi c'est dans le cœur, la piété c'est dans le cœur, l'essentiel c'est le cœur. Ils disent cela pour repousser nasihatun nasihin ou ceux qui montrent la vérité, malgré que haoula ils s'entêtent à faire des péchés, pour repousser ceux qui les conseillent, ils disent mais la crainte et la foi c'est dans le cœur. Al-Imam al-Dhahabi qal fala taqwa illa bi'amal. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de iman sans amal. فلهذا الايمان عند اهل السنه قول وعمل واعتقاد, ça va ensemble. ثم قال ولا عمل الا بتروي من العلم والاتباع. Et l'amal, et la mise en application, les œuvres, les actes, le mu'min il est obligé de faire des efforts في العلم, dans la science. لماذا لان tu ne peux pas œuvrer sans science. Comment mettre en application une chose que tu ignores? قال والاتباع كذلك. الاتباع c'est من العلم. Et cette mise en application, cette œuvre, on doit suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Wa hakada suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhum. Qal wa la yanfa' dhalika illa bil-ikhlas lillah. Et tout cela ça sera utile, ay les œuvres, la science, le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, si c'est basé sur la sincérité. Et Huna, tu comprends le lien entre cette parole et le chapitre que on va lire ensemble aujourd'hui. Bi'idnillah azza wa jalla. Qala la liyuqal fulan tarikun lil ma'asi bi nur al fiqh idh al ma'asi yaftaqir ijtinabaha ila ma'rifatiha wa yakun al tark khawfan min Allah la liyumdah bi tarkiha. Ça nous montre la gravité de l'ostentation, de vouloir se montrer. Imma en œuvrant, en faisant telle chose, en récitant le Coran, en étudiant la science, en allant au Hajj, en faisant la salat, etc. pour que les gens ils disent « Masha'Allah, Fulan, annahu, il a une belle voix, Fulan, il est motivé, etc. » Et que d'ailleurs, la gravité de délaisser des péchés pour que les gens ils disent « Regardez un tel, Masha'Allah, annahu, il ne fait pas tel péché. » Si l'intention de cet homme ou cette femme, c'est cela, هذا c'est très très grave. قال فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. Tu veux la réussite, Akhi al-Karim, ici va et dans l'au-delà, essaye de mettre en application هذه الوصية, ce conseil, mettre en application cette définition que Talq ibn Habib il a cité et que l'imam al-Dhahabi rahimahullah il a montré encore plus هنا l'importance. Al-Marji' donc Siyar A'lam al-Nubala, le volume numéro 4, page 601. قال الإمام ابن حبان رحمه الله ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله تعالى. الحمد لله, on a compris le titre de ce chapitre. Donc, purifier, réformer son cœur en craignant Allah subhanahu wa ta'ala. On sait que la base de la religion, c'est la sincérité, c'est at-tawhid, et c'est dans le cœur. Et bien sûr, dans les actes aussi. Et tout ça avec taqwa Allah. Et c'est ça les œuvres du cœur et les actes de la langue et des membres. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر c'est un endroit. قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا شعبة الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. الحديث أخرجه ابن حبان dans son صحيح كذلك avec le même إسناد le même متن كما أفاد المحقق. Cheikh Al-Albani rahimahullah il a cité ce hadith dans As-Silsila As-Sahiha. Donc ce hadith il est hasan. Ma kariha Allah mink shay'an fala taf'alhu idha khalawt. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit une chose, il déteste une chose, ne fais pas cette chose quand tu te retrouves seul. Limadha il a cité ce hadith rahmatullah alayh. Li'anna min taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui craint Allah Azza wa Jal et qui a purifié son cœur avec la foi, avec la science et la sincérité, il adore Allah subhanahu wa ta'ala en public, devant les autres, devant les gens, et quand il est seul, pareil. Limadha? Li'anna al-mu'min qui craint Allah Azza wa Jal et qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que Allah subhanahu, il le voit, il l'entend. Il connaît sa situation. La nuit, le jour, qu'il soit en public avec des gens ou seul. Ma kariha Allahu mink shay'an, si Allah subhanahu wa ta'ala il déteste que tu fasses une chose, fala taf'alhu idha khalawt. Quand tu te retrouves seul, ne fais pas cette chose. Limadha li'anna celui qui a un certain comportement devant les gens, thumma quand il est seul, il fait des péchés et il se laisse aller, ça montre sa faiblesse dans la foi. Et ça montre que cette chose qu'il a faite ou qu'il a délaissée, c'est pas totalement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha li'anna, ça serait totalement pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aurait aucune différence entre le fait qu'il soit seul ou avec des autres personnes. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-ikhlas wa taqwa. Qala Abu Hatim rahimahullah, al-wajibu 'ala al-'aqil al-hazim أن يعلم أن للعقل شعبا من المأمورات والمزجورات لابد له من معرفتها واستعمالها في أوقاتها لمباينة العوام وأوباش الناس بها. Ces شعب, الشعبة, le pluriel شعب, c'est les branches. شعب الإيمان, les branches de la foi. فالعقل, il a plusieurs branches. Et plusieurs comportements que l'imam Ibn Hibban, rahimahullah, il a cité dans ce livre. Pourquoi c'est important de les mettre en application? Bien sûr, pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam d'Aliana, ça fait partie de notre dîn. Et kadalik, pour se démarquer de Aoubash al-Nas, des faussaqs, des ignorants, de ceux qui ne donnent aucune importance à la religion, al-mu'min, al-aqil, il doit se démarquer de ha'oula. En craignant Allah سبحانه وتعالى ينسبون للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال وإني ذاكر في هذا الكتاب إذا قضى الله ذلك وشاء 50 شعبة من شعب العقل من المأمورات والمزجورات ليكون الكتاب مشتملا على 50 بابا. هنا il a cité أنه il a écrit ce livre et il a écrit 50 chapitres. Il m'a des comportements à faire, il m'a des comportements à délaisser. قال بناء كل باب منها على السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chaque chapitre, il commence, il débute avec un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. Et نحن on essaiera d'ajouter, quand c'est possible, un verset ou plusieurs versets du Coran الكريم وبالله التوفيق. قال ثم نتكلم في عقيب كل سنة منها بحسب ما يمن الله به من التوفيق لذلك إن شاء الله. Et après avoir cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Nuhiban rahimahullah, il a cité plusieurs fawaid, des vers de poésie, des paroles de compagnons ou de savants, ou des explications de lui-même alayhi rahmatullah. Donc, هذا الباب سفي إصلاح السرائر ولزوم تقوى الله. Et on répète, ce chapitre, c'est le plus important. لماذا؟ لأن الإيمان والدين والعلم, tout ça c'est dans le cœur. Et bien sûr, كذلك, ça apparaît sur la langue et ça se voit sur les actes et les œuvres de la personne. فلهذا إصلاح القلب, C'est la première étape. Islah al-qalb mimada. Comment purifier ce cœur? Avec le tawhid, avec la science, en apprenant ta aqida, en apprenant à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs. Kadhalik avec dhikr. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Kadhalik purifier ce cœur avec dhikrullah azza wa jalla, avec la lecture du Coran, avec les bonnes œuvres. Kadhalik, ce cœur, s'il est purifié, il te sera utile fi dunya wa fil akhirah. Ici, dans l'au-delà, tu profiteras des fruits de cette purification et de ces actes de ton cœur. قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ce jour, le jour du jugement, où les enfants, l'argent, ça ne sera d'aucune utilité. Ce qui sera utile, بإذن الله عز وجل, c'est celui qui rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala avec un qalb salim, avec un cœur purifié, avec un cœur de croyant. قال الإمام ابن حبان رحمه الله فأول شعب العقل هو لزوم تقوى الله وإصلاح السريرة. La première شعبة, la base de notre din, c'est de purifier ce cœur. Et bien, لزوم تقوى الله, en craignant Allah عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه. Dans le corps il y a une mudgha, un morceau de chair. إذا صلح, si ce morceau de chair il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, صلح الجسد كله, tout le corps il suivra. ألا وهي القلب, son morceau de chair, c'est le cœur. Ce hadith, كذلك, il nous montre que c'est essentiel de donner du temps pour purifier son cœur. قال لأن من صلح جوانيه نعم كانه جوانيه قال في المطبوع جانبه نعم قال أصلح الله برانيه برانيه, c'est l'apparent, جوانيه c'est son intérieur, et le cœur. قال ومن أفسد جوانيه أفسد الله برانيه والله المستعان. Donc c'est lié, le cœur et les actes des membres, c'est lié, l'intérieur et l'apparence, c'est lié. Ama celui qui prétend avoir un cœur blanc comme يقولون, être bon à l'intérieur, ثُمَّ, ses œuvres, c'est le contraire du shirk, des bid'ah, des innovations, de la mécréance, des péchés, etc. Là, ça montre qu'il a un problème dans le cœur, même s'il prétend avoir le cœur blanc. Al-ibra, c'est bil-haq, c'est pas al-da'wa, c'est pas avec les prétentions. ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنُ سُلَيْمَانِ السَّعْدِي قال حدثنا سعيد بن هبيرة قال حدثنا جعفر عن سليمان عن مالك بن دينار قال اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة. كلام جميل de cet imam مالك بن دينار رحمة الله عليه. اتخذ طاعة الله تجارة, التجارة c'est le commerce, تأتيك الأرباح, الأرباح c'est les bénéfices, ce que tu gagnes. Min ghayr bida'a, al bida'a c'est la marchandise. Cette tijara, il n'y a pas de marchandise. Cette tijara, c'est baynak wa bayna Allah, c'est entre toi et Allah. Kama qala Allah 'azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adhabin alim. Cette tijara, ce commerce que tu feras et que tu dois faire ma Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas avec des marchandises de ce bas monde, abadan. Qala 'azza wa jalla, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. Croire en Allah سبحانه وتعالى et en son messager صلى الله عليه وسلم et faire le jihad. Le jihad contre les ennemis d'Allah سبحانه وتعالى si les conditions sont réunies. Le jihad de ton nafs, combattre tes propres passions. Et le jihad avec l'ilm. C'est-à-dire se sacrifier, se concentrer, se faire des efforts pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et mettre en application. Tout ça, c'est min al-jihad. Donc, هذا l'iman, et avec هذا الجهاد, الجهاد هنا c'est l'amal, donc la foi et la mise en application, celui qui meurt à la hada, il aura réussi. Il aura réussi et il aura gagné ici-bas et dans l'au-delà. قال أبو حاتم قطب الطاعات للمرء في الدنيا قطب الشيء c'est قوامه مداره أي les adorations ou l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est fondée sur quoi? قال هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر. Donc la base de notre din, أولاً, c'est une tasfiya du cœur, purifier son cœur. Purifier son cœur, min al-shirk, comme min al-nas. Ils ont encore des pensées qui contredisent les fondements de l'islam. Bardoum, ils pensent que tel sorcier connaît l'invisible. Bardoum, ils pensent que le wali peut répondre à une invocation. Bardoum, ils ont encore peur des djinns ou des morts. Tout ça, ça contredit les fondements, le fondement de notre religion, at-tawhid. قال وترك إفساد الضمائر ومن أعظم ما يفسد الضمائر أي القلوب. Parmi les choses les plus graves qui sont néfastes pour le cœur, bien sûr, c'est الشرك بالله عز وجل. Donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك البدع, les innovations, ça fait beaucoup de mal au cœur. وهكذا, les péchés, bien sûr. قال رحمه الله فالواجب على العاقل الاهتمام بإصلاح سريرته. Si on a compris tout cela, فالعاقل, le doué de raison, celui qui veut réussir, celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il doit faire? Bien sûr qu'il doit commencer الواجب على العاقل الاهتمام. الاهتمام, c'est de s'occuper, de donner de l'importance بإصلاح سريرته, corriger son cœur. On a tous des manquements. فَلَا يَغُرَّنَّكَ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Ne sois pas trompé par le shaitan. Tu penses, Anna, خلاص, tu as compris. Anna, ton cœur, il est purifié. On a tous des manquements. On doit tous faire des efforts. قَالْ وَالْقِيَامِ بِحِرَاسَةِ قَلْبِهِ عِنْدَ إِقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ وَحَرَكَتِهِ وَسُكُونِهِ لِأَنَّ تَكَدُّرَ الْأَوْقَاتِ نعم لأن تكدر الأوقات وتنقص اللذات لا يكون إلا عند فساده. هذه الفائدة العظيمة. ابن حبان رحمه الله il a montré أن مع هذا, même si tu es في خير, tu es un croyant, tu as de la science, tu fais des efforts, n'oublie pas هذه الحراسة. الحراسة c'est surveiller. Surveille ton cœur, préserve ton cœur, sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cette ni'ma. Limada? Lianna, en tant que mu'min, tu as des ennemis. Ton âme, al-shaytan, les ennemis de l'islam, min al-ins wal-jin, les passions, certaines fréquentations, etc. Enfin, si tu ne préserves pas ce cœur, tu te feras beaucoup de mal. Wa ta'ammal ma'i. Il a hadhihi al-fa'ida que l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, il a cité fi talbis, Iblis. Qala, rahimahullah, wa'alam, anna al-qalb kal-hisn. وعلى ذلك الحصن سور وللسور أبواب فيه ثلم. Il a comparé le cœur à un حصن. الحصن c'est une citadelle, c'est une forteresse. قال وعلى ذلك الحصن سور. Et ce حصن, cette forteresse, elle est entourée par un mur, une muraille pour la protéger. قال وللسور, cette muraille, ce mur, il y a des portes. قال وللسور أبواب وفيه ثلم. Et ces portes, elles sont fissurées. Elles sont fermées, mais elles sont fissurées. À tout moment, elles peuvent s'ouvrir. قَالَ وَسَّكِنُهُ الْعَقْلِ. Qui c'est qui habite dans cette forteresse? C'est العقل, c'est la raison. Et là, chacun a le mu'min. Et là, cette croyance, la raison, elle est dans le cœur. فَتَأَمَّلُوا. قَالَ وَالْمَلَائِكَةُ تَتَرَدَّدْ عَلَى ذَلِكَ الْحِصْنِ وَإِلَى جَانِبِهِ رَبَضٌ فِيهِ الْهَوَى. الْمَلَائِكَ, les anges, تَتَرَدَّدْ على ذلك الحصن. نعم احيانا il visite ce حصن, cette forteresse, ce cœur. Et à côté de cette forteresse, وإلى جانبه ربض, أي مأوى, un refuge pour les patients. C'est pour ça que en tant que mu'min, احيانا, tu as de la force et tu es motivé pour faire certaines choses, mettre en application. Et احيانا, tu ressens des faiblesses et le mu'min il suit ses passions dans certains points. قال والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع. Ce petit refuge qui est à côté de cette forteresse, les chayatines ils peuvent y pénétrer sans aucun problème. Et on est tous concernés par cela. قال والحرب قائمة بين أهل الحصن وأهل الربض. Et cette forteresse et هذا الربض, ce refuge de chayatin, et la foi du mu'min et ses passions, ils sont en perpétuel combat. الحرب المستمر دائما. C'est pour ça que en tant que croyant, tu dois préserver ce cœur. لماذا لأن الشياطين et كذلك tes passions, ils font tout pour pénétrer dans ce cœur. Ils font tout pour pénétrer dans cette forteresse. قال والحرب قائمة بين أهل الحصن وأهل الربض والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس. Ces chayatines qui sont dans ce refuge, c'est comme un ennemi qui s'est approché de cette forteresse pour pouvoir attaquer à tout moment. Enfin, ces chayatines, sans cesse, ils essayent de trouver un moyen de rentrer. فلهذا قال قال لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس. Ils essayent de trouver un moment où les gardes et qui protègent ce cœur, ils ont un moment d'insouciance pour qu'ils pénètrent. Ces gardes, c'est quoi? C'est tes œuvres. Ces gardes, c'est quoi? C'est l'ilm. Les gardes, c'est quoi? C'est al-dhikr. C'est les efforts que tu fais pour ton dhikr. Plus tu fais des efforts, et plus tu protégeras cette forteresse de ces chayatines et des passions. قال والعبور من بعض الثلم. Ils essayent de rentrer par une des fissures. قال فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه. الحارس, le garde, il doit connaître parfaitement toutes les fissures, tous les problèmes qu'il a. Hatta il parvient à faire des efforts pour repousser ce shaitan et pour que ce shaitan ne rentre pas par hadha al-bab. Par d'autres, ils ont des faiblesses par rapport au fait de regarder du haram. D'autres, c'est par rapport à écouter du haram. D'autres, ils ont des problèmes de faire salat à l'heure. D'autres, ils ont des problèmes au comportement. D'autres, ils ont des faiblesses dans l'ilm. Chacun, il a une fissure. On doit faire attention, faire des efforts pour ne pas laisser shaitan rentrer min hadha al-bab. قال رحمه الله وفينبغي للحارس أن يعرف جميع الأبواب أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه وجميع الثلم ولا يفتر عند عن الحراسة لحظة فإن العدو لا يفتر. Et fais attention de ne pas baisser les bras. هكذا يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه. لأن si tu baisses les bras, اعلم أن الشياطين, tes ennemis, ne baisseront pas les bras. Si tu es insouciant, فهم, ils font tout pour te faire du mal. Al-mu'min qui a cette aqid et qui a cette ma'rifa, qui a conscience de ces choses, il fera tout. Quand il se réveille le matin, jusqu'au soir avant de dormir, il fera tout pour préserver ce cœur. Ça deviendra ton objectif. C'est pour ça que celui qui fait que des efforts pour préserver son apparence, son physique, هذا il n'a pas compris. هذا il fait pas partie de l'uqala. لماذا لأن العاقل il préserve l'asl. Tu préserves asl al-mal. Tu préserves ton capital. Mais celui qui délaisse le capital, il préserve ou il protège une autre chose. ثم à la fin il perd son capital. هذا il n'a pas compris. وعلم أن رأس مالك, ton capital, c'est ton dîn, c'est ta foi. Rien d'autre. Mais ton physique, tu mourras comme tout le monde. كلكم من آدم وآدم من تراب. On finira tous sur terre. Et ce physique disparaîtra. Illa ayyasha Allah. Et on sera ressuscité. L'argent, ça vient, ça part. La bonne santé, ça vient, ça part. Bien sûr, sans négliger ces choses. Lakin, l'essentiel, c'est de préserver cette ni'ma. Qala rahimahullah. Fa inna al-adou la yaftur. Qala rajoulu lil-hassan il-basri. Ayanam iblis. Qala law nam la wajadna raha. C'est pour ça qu'un homme, il a demandé à Al-Hassan al-Basri, al-Imam, rahmatullah alayhi, est-ce que Iblis, est-ce que Shaitan, il dort? Et il a répondu, s'il dormait, on aurait trouvé un peu de repos. Ça montre quoi? Ça montre que cet imam, il essaye de nous enseigner an al-harb, il doit être mustamir. Tant qu'on est fi d'dounia, on est fi had al-harb. On est dans cette guerre, dans ce combat contre nos passions, et contre Shaitan. Le Shaitan, il ne dort pas. Le Shaitan, il ne baisse pas les bras. Le Shaitan, il fait tout pour te faire du mal. Comme a dit Azza wa Jal, « La tattakhidu adoui wa adouakum » Ou plutôt, « Azza wa Jal, inna Shaitan lakum adouun, fattakhiduhu adoua » C'est l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ton ennemi. Et ta'lamoun, un ennemi fait tout pour faire du mal à son ennemi. قال وهذا الحصن مستنير بالذكر مشرق بالإيمان. هذا الحصن cette forteresse elle est illuminée par le dhikr et par la foi. Et bien sûr le dhikr et la foi c'est fondé sur العلم sur la science. فكلام مفيد de هذا الإمام ابن الجوزي الحنبلي رحمة الله عليه. ثم قال الإمام ابن حبان رحمه الله on revient au livre. أنشدني عبد العزيز ابن سليمان الأبرش يلبس الله في العلانية للعبد الذي كان يخفيه في السريرة حسنا كان أو قبيحا حسنا كان أو قبيحا سيبدى كل ما كان ثم من كل سيرة من كل سيرة فاستح الله أن ترائي للناس فإن الرياء بئس الدخيرة فيقول الله سبحانه وتعالى Il sait tout. قال عز وجل يوم تبلى السرائر. Le jour où tout ce que les êtres humains cachaient, ça sera apparent. فالله سبحانه وتعالى il sait tout. فلهذا استحي من الله. Fais attention, crains Allah سبحانه وتعالى de ne pas œuvrer pour les gens. قال فإن الرياء بئس الدخيرة. الدخيرة c'est des réserves, des choses que tu prépares pour l'avenir. فالسلوي qui rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala avec riya, l'ostentation, فالله subhanahu wa ta'ala لا يتقبل منه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le ghani. Il n'accepte pas d'associer. On doit faire attention. Et ça, c'est min islah al-qalb de purifier notre cœur min al-shirk wa al-riya et l'ostentation. Et de faire des efforts pour apprendre et mettre en application al-tawhid wa al-ikhlas, la sincérité. قال رحمه الله حدثنا عمر ابن محمد الهمداني قال حدثنا القطواني قال حدثنا سيار قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب حماد بن زيد من أئمة السنة أيوب son شيخ أيوب السختياني الإمام المشهور رحمة الله عليه قال سمعت الحسن أي البصري يقول إنكم وقوف هاهنا إنكم وقوف هاهنا تنتظرون آجالكم وعند الموت تلقون الخبر فخذوا بما عندكم لما بعدكم نصيحة جميلة إنكم وقوف ها هنا تنتظرون آجالكم On est tous concernés. On est tous en train d'attendre notre ajal. L'ajal c'est quoi? C'est la mort. Tout le monde attend, que tu le veuilles ou non. La mort elle viendra. قال وعند الموت تلقون الخبر Et Indel Maud, tout le monde saura est-ce qu'ils ont réussi Amla. Tout le monde saura. Tout le monde sera enterré et tout le monde connaîtra est-ce qu'il est ala al-khir Amla. Thumma qala fakhudhu bima indakum lima ba'dakum. Ay, faites des efforts. Faites des efforts avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, avant de mourir. Limadha li'anna tant qu'on est vivant, on a encore l'espoir de œuvrer, on a encore l'espoir de faire tawba. Amma après la mort, les œuvres, c'est fini. L'être humain, il bascule fi al-barzakh, dans une autre demeure, et pour rendre des comptes. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل أن يأخذ مما عنده لما بعده من التقوى. Profitez. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, demain, robama, tu peux tomber malade. Aujourd'hui, tu as le temps, demain, robama, tu n'auras plus le temps. Aujourd'hui tu es vivant, demain tu seras mort. فَلِهَذَا الْعَاقِلِ Il fait des efforts pour mettre en application هذه التقوى. قَالَ لِمَا بَعْدَهُ مِنَ التقوى وَالْعَمَلِ Donc, on doit utiliser ce bas monde pour préparer l'akhirah. Notre objectif à tous, ça doit être de préparer cette rencontre. De préparer ces questions. De préparer la réponse aux questions qu'on... Tout le monde, tous les croyants, on nous posera ces questions. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Qala, من التقوى والعمل الصالح بإصلاح السريرة ونفي الفساد عن خلل الطاعات عند إجابة القلب وإيبائه. فإذا كان صحة السبيل في إقباله موجودا أنفذ بإغضائه، وإن كان عدم وجوده موجودا كبحها عنها، كبحها أي منعها، لأن بصفاء القلب تصفو الأعضاء. Tu veux réussir, occupe-toi comme un taqaddam du principal. Si tu purifies ce cœur, tu éduques ce cœur. Ce cœur, il s'habitue à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la science, avec la foi, avec la sincérité, avec le tawhid. Tous les membres, ils suivront. هذه النصيحة الجميلة أن العاقل, le doué de raison, il commence par le principal. Tu veux construire une maison, tu commences par les fondements. Tu ne commences pas à installer les fenêtres. Si tu installes les fenêtres sans fondement, sans mur, tout s'écroule. هكذا عمل الإنسان. هكذا les œuvres. Les œuvres qui ne sont pas fondées sur le tawhid ou l'ikhlas, c'est des œuvres qui ne sont pas acceptées. عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله dans la page suivante, قال أبو حاتم العاقل يفتش قلبه في ورود الأوقات ويكبح نفسه عن جميع المزجورات. العاقل, le doué de raison, كذلك يفتش قلبه, il se remet en question. أحيانا il vérifie ce cœur. Comme il en est, et par rapport à Dunya, avant de voyager, avant d'aller au travail, avant de faire certaines choses importantes, ils se préparent et ils font des vérifications. Ça peut être niveau administratif, ça peut être niveau argent, ça peut être niveau du moyen de transport. Là, bout de l'insan, بين الحين والآخر, il vérifie certaines choses. هكذا ton din. أحيانا pose-toi des questions. Tu en es où في العلم? Tu en es où dans l'apprentissage du Coran, de la Sunna du prophète alayhi salatu wasalam? Tu en es où dans l'apprentissage de l'aqida? Est-ce que tu connais les noms d'Allah? Tu en es où dans l'apprentissage de la langue arabe? Tu en es où dans l'éducation de tes enfants? Tu en es où fi al-ibadat? Les salats, est-ce que tu les fais à l'heure? Pour les hommes, est-ce que c'est fait au masjid? Est-ce que tu donnes une part de la nuit, de ta nuit, de ton temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Et là, akhir, celui qui se remet en question هكذا, et qui remet en question هذا القلب, ويكبح نفسه عن جميع المزجورات كذلك, il s'écarte de tout ce qui fait du mal à son cœur. هذا لا شك أنه il fait partie de العقلاء. هذا il a compris. هذا il a compris c'est quoi l'avenir. Il a compris c'est quoi le temps présent. قال ويأخذه بالقيام في أنواع المأمورات ولزوم الانتباه عند ورود الفطرة في الحالات. لأن même si on fait des efforts, même tu prends celui qui fait le plus d'efforts, la shakannahu, ça reste un être humain. Amma al-anbiya wa al-rusul wa lillahi al-hamd, ils sont infaillibles. Ils sont préservés min Allah. Amma ghayruhum, on a des manquements. Falihada qala wa luzum al-intibah, fais attention inda wurud al-fatra. C'est quoi al-fatra? Ce mot, il est cité fi qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال فمن كانت فترته إلى السنة فقد أفلح ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. الحديث رواه الإمام أحمد. الشيخ مقبل رحمة الله عليه إلا cité dans الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. الفترة c'est quand tu as un moment de faiblesse, de démotivation, de fatigue. Ça arrive tous, à tout le monde. On ne peut pas lire le Coran du matin au soir. On ne peut pas étudier du matin au soir. On ne peut pas faire salat du matin au soir. أحياناً tu as ce moment de fatra. Si dans ce moment, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فمن كانت فترته إلى السنة, si à ce moment, tu bascules d'une adoration vers une autre, بإذن الله عز وجل, tu feras partie de ceux qui ont réussi. On prend l'exemple مثلاً du ilm. أحياناً la mémorisation, c'est difficile. Tu ne peux pas mémoriser du matin au soir. Enfin, quand tu sens que tu as un moment de fatigue, de faiblesse, tu bascules de cette adoration à une autre. Maintenant, tu écoutes un dars, c'est beaucoup plus facile. Ahyanan, tu es fatigué. Même écouter, tu ne peux plus. Tu bascules vers une autre adoration. Maintenant, tu visites tes parents. Maintenant, tu achètes un cadeau pour tes parents. C'est une ibad azim. Enfin, tu bascules d'une adoration vers une autre. Am, man kanat hadhihi al-fatra ila ghayri dhalik. Ba'd an-nas, maintenant, ils font des efforts. Thumma, ils n'arrivent pas à patienter et ils font des péchés. هؤلاء لا شك أن leur situation elle est très très grave. ونسأل الله الثبات. قال رحمه الله ولا يكون المرء يشاهد ما قلنا قائما حتى يوجد منه صحة التثبت في الأفعال كما on a cité dans le cours précédent التثبت في الأفعال Fais attention de ne pas faire une chose en te précipitant. العاقل ne se précipite pas. Que ce soit fil ilm, que ce soit dans l'adoration, que ce soit yatathabbat. Est-ce que ce que je fais, il y a une source? Thumma, une fois que tu as une source et tu es sûr, walillahi alhamd, fa fi hadha alhal, fastabiqul khayrat, précipite-toi à faire le bien. Amma hakada, sans ilm et sans demander conseil, فربما سافر بوكود مالا اسيت بيرسون ثم قال واخبرنا محمد ابن عبد الله ابن الجنيد قال حدثنا عبد الوارث ابن عبيد الله عن عبد الله قال انبانا الربيع عن الحسن قال افضل العمل الورع والتفكر الورع شيخ الاسلام وغيره من الائمه ils ont défini ce mot al wara ils le traduisent par la piété ou par l'ascétisme al wara c'est tarku ma la yanfa fi al akhirah الورع سي باسكو اهل البدع من الصوفيه وغيرهم يفون وجماعه التبليغ اكسيتيرا من الضلال اي بونس كو الورع سي دو سيكسبوزي او سولي دو فير الصيام اي دو روندر لا شوز انكور بلو ديفيسيل سي با سا الورع سا سي من الجهل سي لينيورونس الورع سي دو ديليسي لي شوز كي نو سون با اوتيل بور لو دولا فكم من امور كومبيان دو بارول كومبيان دو شوز اون في اي سا نا اوكون اوتيليتي بور الاخره فالورع c'est de délaisser ces choses et de consacrer son temps à ta'atullah subhanahu wa ta'ala bien sûr chacun selon ses capacités ça ne veut pas dire qu'on délaisse le mubah ça ne veut pas dire qu'on délaisse les choses permises abadan là les choses permises même si tu les fais en bonne niya tu manges ton intention c'est de te renforcer pour ta'atillah tu dors c'est pour innallahi azza wa jalla le lendemain matin tu es en forme pour travailler pour étudier etc. قال أبو حاتم رحمه الله العاقل يدبر أحواله بالصحة الورع ويمضي لسانه بلزوم التقوى لأن ذلك أول شعب العقل وليس إليه سبيل إلا بصلاح القلب le seul moyen pour que cette langue elle ne dise pas de haram pour que on ne perde pas notre temps avec des paroles futiles وهكذا pour qu'on s'écarte du haram avec nos membres la seule solution c'est bien sûr, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide et à commencer par l'essentiel, islahu al-qalb, purifier ce cœur. Qala wa mithlu qalbi al-aqil idha lazima ri'ayata al-aql 'ala ma nadhkuruha fi kitabina hadha inna qada dhalik wa sha'a ka'anna qalbuhu shurriha bi sakakin at-taqwa ay at-taqwa التقية وناسب معنى التقوى الأكران ثم ملح بملح الخشية ثم جفف برياح العظة ثم أحيى بماء القربة فلا يوجد فيه إلا ما يرضي المولى جل وعلا ولا يبالي المرء إذا كان بهذا النعت أن يتضع عند الناس ومحال أن يكون ذلك أبدا celui qui prend du temps à purifier ce cœur avec la science, avec la foi, avec le rappel, avec le dhikr, avec la lecture du Coran etc. Et son objectif premier, ça devient de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. فكما قال Ibn Hibban rahimahullah, ولا يبالي المرء إذا كان بهذا النعت. Celui qui a fait des efforts dans l'apprentissage de la religion et dans la mise en application, et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a guidé. لا يبالي, il ne donne aucun intérêt à ceux qui pensent qu'il n'a pas réussi. Ou c'est un retardé, c'est un arriéré, il perd son temps, ne donne aucun intérêt à هؤلاء. قال ومحال ان يكون ذلك ابدا et le fait de croire que celui qui se consacre à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala انه perd son temps ou انه il sera rabaissé هذا لا يكون ابدا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات Allah subhanahu wa ta'ala il élève l'être humain par rapport au sacrifice de cet être humain في دين الله dans la religion d'Allah la science et la mise en application ثم قال رحمه الله وانشدني عبد العزيز بن سليمان الابرش dans la page suivante, numéro 42, la parole numéro 42, quand on cite les numéros, ce n'est pas les pages, là, c'est les numéros, imma de hadith, imma le vers de poésie, imma la parole d'un imam. قال donc, وَأَنْشَدَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَبْرَشِ إِذَا انْتَسَبَ النَّاسُ كَانَ التَّقِيُّ بِتَقْوَاهُ أَفْضَلْ مَا يَنْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَكْسِبْ بِهِ من الحظ أفضل ما يكتسب ومن يتخذ سببا للنجاة فإن تقى الله خير السبب. أبيات جميلة. La cause la plus importante, c'est la taqwa. Beaucoup de gens, ils font des causes pour réussir. وَمَنْ يَتَّخِذْ سَبَبًا لِلنَّجَاتِ. Beaucoup de gens, ils pensent que l'avenir, c'est dans telle chose. Pour réussir, il faut faire telle chose. Pardon, ils pensent que dans le sport. Pardon, ils sont consacrés qu'à la santé. Pardon, que les études, etc. مهم الدنيا. اعلم أن أعظم الأسباب, la plus grande cause pour réussir ici-bas et dans l'au-delà, c'est التقوى. C'est craindre Allah Azza wa Jal. قال وأنشدني أحمد بن محمد بن عبد الله الصنعاني لابن عكراش ومهما يسر المرء يبدو لربه وما ينساه الإنسان لا ينسى كاتبه. ça c'est une موعظة عظيمة et جميلة. اعلم et ça c'est من إصلاح القلوب. celui qui a le cœur vivant دائما il se rappelle أن الله سبحانه وتعالى il sait tout. مهما يسر المرء يبدو لربه, même ce que tu caches aux autres et t'essayes de te voiler la face, فعلم أن tout est écrit. فلهذا قال وما ينساه الإنسان لا ينسى كاتبه. et ce qu'on oublie نحن, les anges qui ont inscrit هم ils n'ont pas oublié. et Allah subhanahu wa ta'ala il est بكل شيء عليم. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Le jour du jugement, chacun de nous trouvera notre kitab. Mali hadha al-kitab. Hakada l'être humain, il dira Mali hadha al-kitab. Et pourquoi ce livre, la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Pourquoi dans ce livre tout est inscrit? Les petites choses et les choses énormes. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tout ce qu'on dit, c'est inscrit. Hadha al-bayt al-jamil pour nous rappeler qu'on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment se rappeler de هذا احيانا on oublie لماذا لان notre cœur il est touché par l'insouciance. اما un قلب حي, un cœur vivant rempli de foi et de sincérité et de science, à chaque instant il se rappelle ان deux anges ils inscrivent tout ce qu'il fait, ان الله سبحانه وتعالى il le voit, ان الله سبحانه وتعالى il sait tout, et كذلك انه il rendra des comptes avec ces choses. على شكلنا الانسان il va se maîtriser encore plus, il va se contrôler et il va faire des efforts. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا علي بن سعيد العسكري قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا إسماعيل بن زياد قال قدم علينا عبد العزيز بن سليمان عبادان في بعض قدماته فأتينا نسلم عليه فقال لنا. donc cet homme, ils lui ont demandé, ou plutôt ils l'ont rencontré, il leur a dit, أي عبد العزيز بن سليمان, فقال لنا, qu'est-ce qu'il leur a dit? il les a conseillé, صفوا للمنعم قلوبكم يكفكم المؤن عند همكم. نصيحة من ذهب. des conseils من هؤلاء الأئمة, من هؤلاء الصالحين, qui seront profitables pour le croyant ici-bas, قبل الآخرة بإذن الله عز وجل. l'importance de revenir au livre de هؤلاء الأئمة, l'importance de ne pas perdre son temps الآن avec l'actualité. بعضهم من الصباح إلى الليل يسويفل أكتواليتي يزون دي سا إلى آخر سا دورسي لو كور. كذلك لي موفيز فريكونتاسيون قيل وقال دي بارول فوتيل دو ماتان أو سوار. فتأملوا هذا النصح, صفوا للمنعم قلوبكم, بيوريفيي فوتر كور بور الله. أي فات دي زيفور, إلا شك سا دوموند دي زيفور إي سا دوموند دو تان إي سا دوموند دي ساكريفيس. يكفيكم المؤن عند همكم. le jour où tu as besoin, où tu es en difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala il te secourt. لماذا؟ لأن tu as donné du temps. كما جاء في الحديث تذكرون dans الأربعين النووية قال عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ne fais pas partie des insouciants, ne fais pas partie de ceux qui ne sont pas reconnaissants. تعرف إلى الله في الرخاء. n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala quand tu es dans une situation à l'aise. Tu es en pleine santé, tu as de l'argent, wallahi alhamd, tu es jeune. n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala. le jour où tu seras en difficulté, maladie ou autre, fa Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aidera. ثم قال, لو خدمت مخلوقا فأطلت خدمته, ألم يكن يرعى خدمتك حرمة؟ فكيف بمن ينعم عليك وأنت مسيء إلى نفسك؟ صحيح, il aura rappelé, كيف لو خدمت مخلوقا سي تو روندري دي سيرفيس ا مخلوق ا بشر ان اتر هومان الم يكن يرعى لخدمتك حرمه اسكو سيت اتر هومان bien sûr s'il fait partie des uqala et de ceux qui ont un bon comportement et qui n'oublient pas le khair ils se rappelleront le bien que tu as fait ça c'est un être humain قال فكيف بمن ينعم عليك fait que dire de celui qui te donne du matin au soir Allah subhanahu wa ta'ala il te donne il t'a donné la bonne santé bel il t'a créé tout ce que tu possèdes c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donné combien de choses il t'a préservé قال وانت مسيء الى نفسك. Vous avez remarqué, il n'a pas dit « Moussi'un ilallah ». Limadha li'an Allah, il a besoin de personne. Allah, c'est le ghani, c'est l'azim. Et nous, on se fait du mal à nous-mêmes. Celui qui n'est pas reconnaissant, Wallah, il ne fait aucun mal à Allah, Azza wa Jal. Allah, il a besoin de personne. Lakin, on se fait du mal à nous-mêmes. Qala tataqallab fi ni'amihi wa tata'arrad li niqamih. On profite matin et soir des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Thumma, beaucoup de manque de reconnaissance. Bel ba'dhum, iyadan billah, yakfurun billah. Allah il leur donne et eux ils insultent Allah. Allah il leur donne et eux ils disent qu'il n'y a pas de créateur. Ils disent que c'est la nature, c'est venu hakada tout seul. Haoula c'est min akfar al-nas. Qala hayhat hayhat hadhihi himmatul battalin. Ça c'est pas un cœur reconnaissant. Là ça c'est comme قال himmatul battalin. C'est ceux qui ne reconnaissent pas le khir. C'est ceux yadan billah leur cœur il est noir, il est dur. قال ليس لهذا خلقتم ولا بهذا امرتم الكيس رحمكم الله. ثم les a conseillés, Allah ne nous a pas créé pour cela. Allah ne nous a pas ordonné cela, d'oublier les bienfaits, de penser qu'à dunya, de ne pas être reconnaissant, ne penser qu'à son ventre. بعضهم الان عيادا بالله بدلوا avec leurs enfants, ils pensent qu'à leurs enfants. كأنه il a été créé pour ses enfants. Cet enfant, éduque-le lillah, il place ta confiance, éduque-le vis-à-vis en te basant sur la religion d'Allah, il place ta confiance en Allah. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, comme il t'a donné, il donnera à cet enfant. Enfin, n'oublie pas ton din. Pardon, il délaisse la salat, il délaisse tout. Les manal, ils sont occupés par les enfants du matin au soir. C'est une fitna. Ça, c'est un exemple, et on peut citer des exemples dans plusieurs domaines. Pardon, c'est le sport. Ka'annahum, ils ont été créés pour faire du sport. Ka'annah, ce corps qu'ils entretiennent, il ne va jamais être enterré sous terre. Ce corps, comme tous les êtres humains, c'est yakuluhu doud. Il se fera manger par des asticots sous terre, qu'on le veuille ou non. Falihala, on doit donner de l'importance à l'essentiel. Al-kays, hakada qad. Al-kays, c'est nabaha. Al-kays, comme s'il leur a dit, réveillez-vous. Rahimakumullah. On doit se réveiller. Ça, c'est l'époque de haoula, l'époque des salafs. L'imam Ibn Hibban, on le répète, il est mort au 4e siècle de l'Hégire et il rapporte Kalam Ha'oula. Ha'oula qui vivait à l'époque des tabi'in ou après. Wallah al-musta'an. On finit avec le dernier vers de poésie. قال وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي عليك بتقوى الله في كل أمره تجد غبه يوم الحساب المطول. Crains Allah, fais des efforts et tu trouveras les fruits de cette taqwa le jour des comptes. Le jour où tu auras besoin de ces hasanat, le jour où tu auras besoin de que Allah subhanahu wa ta'ala il te secoure. Tajid ribbahu yawm al-hisab al-mutawwali. Hada al-yawm miqdaruhu 50000 sana. Ce jour qui sera équivalent à 50000 ans, tu auras besoin. Sab'atun yudhilluhum Allah yawm la dhilla illa dhillu. Tadhkurun dans Riyad Salihin le hadith sur les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône. Et au mal qiyama. On doit faire des efforts pour faire partie de Ha'oula. On doit faire des efforts pour mourir à la sunnat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi sallam. Thumma qala, ala inna taqwa Allah khayru maghabbatin wa afdalu zad al-dha'in al-mutarahil. Al-mutarahili. C'est afdal zad. Wa tazawwadu fa inna khayru zad al-taqwa. Les provisions qu'on doit faire pour ce voyage, et pour l'au-delà, la principale provision, c'est at-taqwa. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut conclure avec Qawlullah azza wa jal, yawma tubla as-sara'ir. On l'a cité, le verset là, on le répète. Hada sa mimma yu'in al-abd ala islah sarirati. Ay at-tadhakkur lima ba'd al-maut. On ne doit pas oublier qu'on va mourir. Est-ce qu'on est prêt? Si on n'est pas prêt, on a tous des manquements, on doit se remettre en question. Un jour, tout ce qu'on pense, tout ce qu'il y a dans notre cœur, il sera dévoilé, il sera exposé. يوم تبلى تبلى أي تظهر السرائر, est-ce qu'il y a dans les cœurs. قال عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أي le jour où tout le monde sortira de leur tombe. وحصل ما في الصدور. Et ce qu'il y a dans les cœurs, ça sera كذلك dévoilé. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, c'est le khabir. فمثل هذا, ça aide l'être humain à se remettre en question. أنه il mourra, on mourra tous. أنه on rendra des comptes. أنه le principal point, le principal fondement de notre din, c'est التوحيد, c'est la sincérité. On doit réformer ce cœur avec dhikr, on doit le purifier avec la lecture du Coran, on doit le purifier avec la science, s'écarter du shirk, s'écarter de l'ostentation. Bilal ibn Sa'd rahmatullah alayhi, comme dans Sifat al-Safwa, a dit « La takun waliyan lillah fil alaniya wa aduwahu fil sarira » Ne sois pas un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala fil alaniya quand tu es devant des personnes. هكذا البعض يفون apparaître que c'est des أولياء أنهم يفون الصيام أنهم يزيتوديا أنهم إلى آخره يفون apparaître les bons côtés. قال لا تكن وليا لله في العلانية. Ne sois pas un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala en public. وعدوه في السرارية في السريرة أي son ennemi quand tu es seul. Et quand il est seul, les péchés, plus de salat à l'heure ou d'autres choses, عيادا بالله. L'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala en public, son ennemi quand il est seul. فنسأل الله عز وجل الإخلاص والعون ونكتفي بهذا. Et le prochain cours, inshallah ta'ala, mardi, on commencera la lecture du troisième chapitre في الحث على طلب العلم. Et le troisième chapitre, c'est sur l'étude de la science. هذا كذلك, ça fait partie des bons comportements. والله المستعان. حياكم الله. On peut lire une fatwa pour finir, inshallah.